Vous écoutez France Inter, il est 13h20. On retrouve tout de suite Patrick Pénaud et ses rendez-vous avec X. L'affaire a fait grand bruit et elle fait partie de celles qui ont contribué à la désagrégation du bloc soviétique. En décembre 1984, un prêtre polonais, Jerzy Populesko, est enlevé, battu et tué. Ses assassins, très vite retrouvés, s'avèrent être des policiers. En Pologne, où le sentiment catholique est encore très fort, l'émotion est considérable. 1 million de personnes assistent à l'enterrement de Populesko et sa sépulture va rapidement devenir un lieu de pèlerinage. Le gouvernement dirigé par le général Jaruzelski choisit de juger très rapidement les coupables, tous des officiers supérieurs. C'est une véritable première dans un pays du bloc de l'Est. Si M. X a ouvert pour moi ce dossier cette semaine, c'est que d'après lui, l'assassinat de ce prêtre dissimule en réalité, une opération d'intoxication parfaitement menée, avec un machiavélisme et un cynisme stupéfiants. Nous allons y venir avec mon interlocuteur. Mais je voudrais auparavant vous rappeler quelle était alors la situation de la Pologne. Les accords de Gdansk, signés en août 1980 entre Lech Walesa et le gouvernement polonais, reconnaissent entre autres l'existence d'un syndicat libre, Solidarité. C'est non seulement la reconnaissance d'une puissante aspiration populaire, c'est aussi une victoire pour l'Église. À Moscou, bien évidemment, on ne goûte guère la création de ce modèle socialiste à la polonaise, par peur de la contagion, bien sûr. En février 1981, un nouvel homme apparaît à la tête de la présidence du Conseil, un général, Jaruzelski, qui a toute la confiance du Kremlin et qui va bientôt aussi exercer la fonction de secrétaire général du Parti communiste. Les accords de Gdansk encouragent Solidarité à demander toujours plus de démocratisation. Moscou gronde encore plus fort. En Pologne, on s'attend à tout moment à ce que les chars soviétiques déferlent sur le pays comme ils l'ont fait en d'autres temps à Budapest et à Prague. Mais, coup de théâtre, c'est le général Jaruzelski qui prend l'offensive. En décembre 1981, il décrète l'état de guerre. Des milliers de syndicalistes et d'opposants sont interpellés et internés. L'armée polonaise a pris le pouvoir. Jaruzelski a-t-il fait ce coup de force pour empêcher Moscou d'intervenir militairement et donc épargner à son pays une nouvelle occupation russe? C'est probable. Mais le retentissement international est énorme. Le dictateur aux lunettes fumées est unanimement condamné, sauf à l'Est bien sûr. Commence alors ce que l'on a appelé la normalisation, c'est-à-dire la reprise en main et le retour à un modèle communiste orthodoxe. Mais dans les années qui suivent, l'état de guerre est supprimé, les internés sont peu à peu libérés, le pouvoir communiste lâche incontestablement du lest. Mais au sein des instances dirigeantes, des divergences apparaissent. Certains, dans le plus pur style stalinien, voudrait anéantir une fois pour toutes le syndicalisme libre qui continue d'exister dans la clandestinité. Ceux-là sont naturellement soutenus par Moscou. D'autres, au contraire, voudraient composer, pactiser avec l'Église et amorcer un lent processus de démocratisation. C'est alors qu'éclate l'affaire Populesko. Dans un instant, le surprenant récit de M. X. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. La Pologne a toujours fait l'objet de notre attention. Vous voulez parler des services secrets? Bien sûr. Ouais. Je crois vous avoir déjà parlé de l'opération Pax, qui visait à soutenir les églises opprimées à l'Est. Enfin, pour mieux déstabiliser les pouvoirs en place. Évidemment. Hein. En matière de renseignement, on ne fait pas de philanthropie. Ouais, le contraire m'eût étonné. En tout cas, ça veut dire que malgré le désengagement relatif des services dans les années 70, nous disposions encore d'informateurs à l'Est. Et donc en Pologne? Oui. Et cela explique que nous ayons pu percer les mystères de l'affaire Popielusko. Mais quel mystère, là. Ce prêtre polonais a été assassiné par la police, c'est clair. Ah non. D'accord, on a arrêté les coupables, ceux qui avaient participé à l'exécution. Mais les commanditaires, qui étaient-ils? Que voulaient-ils? Et vous êtes en mesure de dissiper ces mystères? Parfaitement, je vais vous le prouver. Oui, mais à votre habitude, vous allez d'abord commencer par me faire languir. Hein. Pour la clarté de mon récit, il faut bien commencer par le commencement, non? Bon, allez, si vous voulez. Alors, Jerzy Popielusko, d'abord, qui était-il? C'est justement la question que j'allais vous poser. Vous voyez, c'était un prêtre jeune, dans la trentaine, fils de paysan très pauvre. Il avait été ordonné au début des années 1970. Et où exerçait-il son sacerdoce? Dans la banlieue de la capitale, Varsovie. Mais très vite, il va être mêlé aux événements qui vont agiter le pays. Et les grèves, la naissance de Solidarité... Oui, et bientôt, à la demande du cardinal Wyszynski, il célèbre des messes pour les ouvriers en grève. Et il devient, en 1980, un des aumôniers de Solidarité. Un prêtre très engagé. Très, oui. Et quand vient le coup de force du général Jaruzelski en 1981, Popielusko ne renonce pas et continue son activité militante. Il invente d'ailleurs une forme de protestation inédite. Des messes pour la patrie qu'il célèbre régulièrement et qui drainent à chaque fois des milliers de fidèles. Oui, c'est des initiatives, ça, qui ne doivent pas être du goût du pouvoir. C'est certain. Popielusko dérange. Et surtout parce qu'il est devenu la coqueluche de la jeunesse. Une vedette, en somme. Et on le laisse faire? Oui et non. On le convoque à maintes reprises à la milice, on l'interroge, on le menace. Mais c'est difficile d'aller plus loin. Mais pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, Popielusko est devenu extrêmement populaire. Et même si on le dénonce publiquement dans la presse du parti, pour les provocations multiples dont il est l'auteur, on n'ose pas aller plus loin. Et il est donc quasiment intouchable. C'est à peu près ça. Et pourtant, bon, on va s'attaquer physiquement à lui, hein, et de quelle façon? Vous avez raison, Popielusko est devenu un symbole. Le symbole des droits de l'homme et de la liberté. Et c'est ce symbole qu'on va vouloir détruire. Et on risque quand même de provoquer une réaction très violente. Oui, mais tout cela est précieusement analysé et pris en compte. Non, je vous assure, l'affaire est bien ficelée. Alors, comment ça commence? À la base, il y a trois hommes. Trois policiers de la première section du 4e département du ministère de l'Intérieur. Mais de quoi s'occupe cette section? Des affaires religieuses. Elle est chargée de surveiller le clergé, quoi. Et de lutter contre son influence, oui. C'est à peu près ça. Et tous les moyens sont bons. C'est-à-dire? Eh bien, ces flics espionnent, écoutent les lignes téléphoniques, montent des dossiers. Et contre Popielusko, là, ils ont quelque chose? Ils ont, paraît-il, découvert que le prêtre avait eu une liaison féminine. Mais l'information n'a pas été exploitée. Et pourtant... Ça montre peut-être simplement que cette accusation n'était pas fondée. En effet, oui. En tout cas, il est étroitement surveillé par ces policiers. Oui. Et qui sont-ils, là, ces policiers chargés des affaires religieuses? Le meneur, c'est un capitaine, Grzegorz Piotrowski, un type d'une trentaine d'années, lui aussi. Comme sa future victime. Exactement. Un type cultivé, pas du tout la brute qu'on pourrait imaginer. Et les deux autres? Deux lieutenants, Pekala et Chmielewski. Deux hommes sans grand intérêt qui obéissent aveuglément à leur chef. Des exécutants sans plus, quoi. Tout à fait. Mais eux non plus ne sont pas des hommes de main. Ce sont des flics ordinaires. Pas des tortionnaires. Des policiers qui ne sont d'ailleurs pas spécialement formés non plus pour ce qu'ils vont faire. Vous voulez dire qu'on ne leur a pas appris à tuer? N'exagérez pas. Je veux simplement dire que ce n'étaient pas des hommes d'action. Ils vont se montrer particulièrement maladroits. Et pour se donner du cœur au ventre, ils vont boire. Ce qui ne va pas arranger les choses, vous l'imaginez bien. Et pour revenir à votre thèse là, d'un Deus ex machina qui aurait tout prévu, tout arrangé, pourquoi avoir choisi trois types aussi incompétents? Très disciplinés. Peut-être, oui, mais pourquoi eux? Parce que ça n'avait aucune importance. Le seul point qui comptait, c'est qu'il fallait que ce soit des policiers. Mais vous comprendrez mieux tout à l'heure. D'accord. Alors, je vous le demande à nouveau. Comment ces trois hommes s'y sont-ils pris? Popielusko est étroitement surveillé par la police, je vous l'ai dit. Il va donc falloir étudier ses déplacements et choisir le bon moment pour lui tendre un guet-apens. Le but étant de le tuer, hein? Incontestablement. Donc, il ne s'agira pas d'un enlèvement qui aurait mal tourné? Absolument pas. Les ordres sont formels. Jerzy Popielusko doit disparaître. Un témoignage intéressant avant de reprendre le fil du récit de M. X. L'envoyé spécial du quotidien de Paris, Hugues Krasner, a rencontré en novembre 1984 un ami du capitaine Piotrowski. Voici ce qu'il lui a déclaré. C'était un homme ayant reçu une bonne éducation. Saviez-vous qu'il était mathématicien de formation? À la fin de ses études, il aurait peut-être pu devenir chercheur ou enseigner dans une faculté. Non, lui, après quelques hésitations, il décida d'entrer dans la police. Et pas à la milice, mais bien à la police politique, la police secrète, comme nous disons ici. Ce qu'en ont retenu ceux qui l'ont côtoyé ces dernières années, et ceux qui ont eu à l'approcher, c'est sa politesse, une politesse froide, un peu distante. On ne savait jamais ce qu'il pensait réellement, tant il arrivait à volonté à se composer un personnage, à se fabriquer des masques multiples et interchangeables. Le capitaine Piotrowski n'est pas entré dans la police par idéal, mais comme beaucoup, plus prosaïquement, par intérêt. Ils ont acheté son âme. Il pouvait, dans ses fonctions, jouir d'un pouvoir réel. Et puis, il y avait les avantages matériels. Un officier de police politique est très bien payé. Cet argent, Piotrowski l'utilisait bien. Il achetait tous ses vêtements dans les Piwex, les magasins à devises, ou les faisait venir d'Occident. Il était vraiment très élégant, très chic. Pour le reste, il aimait la musique, parlait plusieurs langues et appréciait les joutes oratoires et les discussions philosophiques avec ceux qu'il rencontrait dans le cadre de son emploi. Malheureusement, on le sait, avec Jerzy Popielusko, la conversation a été d'une toute autre nature. À la mi-octobre 1984, Popielusko doit concélébrer une messe à Gdansk. Piotrowski sait que le prêtre doit s'y rendre en voiture accompagné d'un ami et conduit par son chauffeur habituel, un certain Waldemar Krotowski. Les trois policiers étudient l'itinéraire et décident d'agir au retour de Popielusko. Ils ont pris auparavant la précaution de se munir d'un laissez-passer. Mais un laissez-passer pourquoi ? Pour éviter d'être éventuellement contrôlé par la ministre. Mais ils sont policiers, non ? Il n'empêche qu'on peut leur demander des comptes. Ah. Dans les pays de l'Est, on ne circule pas comme ça. Faut toujours montrer patte blanche. Ouais. Et ce laissez-passer, comment l'ont-ils obtenu ? Question très intéressante. Il est évident que ce précieux papier leur a été fourni par la hiérarchie. Donc par quelqu'un d'important au ministère de l'Intérieur. Naturellement. Mmh. Et quel est le plan retenu ? Piotrowski a choisi un endroit favorable. Dans une zone boisée, une petite côte, suivie d'un tournant. Lui-même va se tenir sur le bord de la route. Un des lieutenants l'avertira par talkie-walkie de l'arrivée de la voiture. Quand l'auto se présentera, il lancera une pierre dans le pare-brise. Pas très évident, ça. Vous avez tout à fait raison. La suite va le démontrer. Ce que cherche Piotrowski, c'est provoquer un accident. Ensuite, il est prévu d'arroser l'auto d'essence. Mmh. Et les deux compagnons de Popielusko seront donc tués aussi, alors ? Oui, il ne pourrait y avoir de témoins. Mais les assassins ont aussi prévu le cas où les passagers de l'auto sortiraient indemnes de l'accident. Dans cette hypothèse, ils seraient immédiatement enlevés et conduits dans un bunker proche. Et là, ils seraient tués puis enterrés par les trois policiers. Mais c'est ce qui va arriver ? Non. Pourquoi alors ? Parce que, comme vous l'aviez prévu, Piotrowski rate sa cible. C'est-à-dire qu'il lance la pierre mais ne touche pas l'auto. Exactement, ouais. Et ce jour-là, Popielusko échappe miraculeusement à la mort. Mais pour les assassins, ce n'est que partie remise. Une semaine plus tard, ils vont récidiver. Le même plan ? Non, ils sont peut-être incompétents, mais ils sont quand même pas fous. Ils choisissent de suivre Popielusko à l'occasion d'un nouveau déplacement. Mmh. Encore une messe ? Oui, le prêtre, en raison de sa popularité toujours grandissante, parcourt tout le pays. Le 19 octobre, il doit donc célébrer une messe à Bydgoszcz. Les trois policiers sont là, qu'ils surveillent. Après l'office, Popielusko dîne chez le curé qui l'a invité. Puis toujours conduit par son chauffeur, Krotowski, il prend la route de Torun, en direction de Varsovie. Mmh. Ah, vous connaissez par cœur la géographie de la Pologne. Il est arrivé d'y aller. En service ? On peut dire ça, oui. Mmh. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu. Donc il fait nuit. Les trois policiers suivent la Volkswagen du prêtre. Et qu'ont-ils comme voiture ? Une voiture de service aux plaques maquillées. Une Fiat, je crois. Pratiquement hors d'usage. Ah, c'est pratique pour effectuer une filature. Et surtout, n'est pas très discret. Parce qu'ils vont ensuite être obligés de remettre de l'huile dans le moteur. Et à chaque fois, ils se feront remarquer. Mais vos policiers, là, c'est des petits poussets, hein ? À peu près, oui. Mais enfin, malgré le moteur poussif, ils arrivent à doubler l'auto de Popielusko en pleine forêt, après avoir fait plusieurs appels de phare. À la hauteur de la Volkswagen, l'un des policiers braque une lampe torche rouge sur le chauffeur. Une lampe torche rouge ? Dans quel but ? Cette lampe rouge, c'est celle qu'utilise la milice lors des contrôles routiers. Mmh. Donc le chauffeur, là, ce Krotowski, pense avoir affaire à la police de la route. Oui, très naturellement, il ralentit et se range sur le bas-côté. Et c'est effectivement un homme qui porte un uniforme de la milice qui vient à lui et demande papier et permis de conduire. Mmh, décidément, ils ont tout prévu. Il ne faut surtout pas que Krotowski et Popielusko se méfient. Alors le faux milicien continue. Il demande au chauffeur de venir à l'intérieur de la Fiat afin de subir un contrôle d'alcoolémie. Et ce Krotowski obéit ? Bien sûr. Mais aussitôt qu'il est installé à l'avant de l'auto, l'homme qui se trouve au volant lui met des manottes, puis demande d'ouvrir la bouche. Une nouvelle fois, Krotowski obéit. Aussitôt, le type lui met un baillon dans la bouche et le fixe par une ficelle passée autour de sa tête. Et pendant ce temps-là, que devient Popielusko ? Il est resté dans la Volkswagen. Et il ne voit pas ce qui se passe dans l'autre auto ? Non, il croit vraiment que son chauffeur va souffler dans l'alcotest. Donc il reste tranquille, il ne bouge pas. Hein. Il ne bouge pas. Et quand Krotowski est immobilisé, Piotrowski sort de son auto et, accompagné d'un des lieutenants, il se dirige vers le véhicule du prêtre. Il fait sortir Popielusko. Il Il est armé ? Il a un solide morceau de bois à la main. Et la suite, alors ? Les trois hommes font quelques pas à l'intérieur du bois et aussitôt, les coups pleuvent sur la tête de Popielusko. À ce moment-là, ils veulent le tuer ? Je ne crois pas, non. Ils désirent simplement l'assommer. Et c'est ce qui se passe. Popielusko s'écroule. Les deux policiers le ficellent et le chargent dans le coffre de leur voiture. Et ils montent à bord. L'auto démarre en direction de Torun. Ça veut dire qu'ils abandonnent le véhicule de Popielusko au bord de la route ? Exactement. Ils auraient pu le dissimuler. Mais non, ils veulent qu'on sache que le prêtre a été enlevé. Ça fait partie de leur mission. Alors pourquoi cacher sa voiture ? Admettons. Où vont-ils ? Ils roulent donc vers Torun. Et ils ont l'intention de prendre le premier chemin forestier qui se présentera. Mais un village apparaît. Soudain, Krostovski, malgré ses menottes, actionne discrètement la poignée de la portière. Il donne un violent coup de coude et il bascule dans le vide. Ils sont en pleine marche ? Oui. Et comment réagissent les trois policiers ? C'est l'affolement, parce qu'une auto arrive derrière. Alors Piotrowski donne l'ordre au policier qui conduit de continuer. Il ne tente pas de récupérer le fuyard. Non, il est trop tard. Mais cet homme les a vus. Oui, ils prennent un risque fou. Mais tant pis, dans le coffre, il y a Popielusko. Et c'est lui qui compte. Où vont-ils l'emmener ? Je vais vous le dire. Et c'est assez atroce. Mais les trois policiers ne sont pas au bout de leur peine. Peu de temps après la fuite de Krostovski, le moteur de la voiture fait des caprices. Et au même moment, les passagers entendent du bruit dans le coffre. Popielusko ? Oui, il a sans doute repris connaissance. Pour ces deux raisons, la voiture est donc arrêtée. Les policiers ouvrent le coffre. Popielusko, bien réveillé et débarrassé de ses liens, en profite pour bondir, s'enfuir et appeler à l'aide. C'est extravagant, hein ? Mais je vous ai prévenu. Ces types-là étaient vraiment des kidnappeurs amateurs. Mais quand il fait, alors ? Ben, ils se sont lancés à la poursuite du prêtre. Et bien sûr, ils l'ont rattrapé et assommé à nouveau. Popielusko était quand même affaibli. Puis ils l'ont bâillonné, ligoté et replacé dans le coffre. Nouveau départ. Attendez. Il fallait aussi penser au moteur qui n'avait plus d'huile. Ah oui, donc, ils ont dû trouver une station-service avant de poursuivre leur route. Mais malgré les coups qu'il avait reçus dans le coffre, Popielusko a recommencé à s'agiter. Alors, pendant que l'un des policiers est allé acheter de l'huile, les deux autres se sont assis sur le coffre pour empêcher que le prêtre ne le soulève. C'est une histoire insensée. Oui. Et si elle ne s'était pas aussi dramatiquement terminée, elle pourrait faire rire. Car écoutez la suite. Les policiers remontent en voiture, roulent quelques centaines de mètres, et à l'abri d'un taillis, ils ouvrent le coffre, frappent à nouveau violemment Popielusko et ajustent ses liens et ils repartent. Et là, est-ce qu'ils savent où ils vont ? Et ils savent qu'à cause de la fuite du chauffeur, ils doivent faire très vite pour se débarrasser du prêtre. Mais celui-ci, décidément très vigoureux, leur donne encore du fil à retordre et recommence à remuer. Et au cours d'un nouvel arrêt, Piotrowski trouve un procédé expéditif. Il passe un nœud coulant autour du cou de Popielusko, lui arque les jambes et attache le bout de la corde à ses chevilles. Si le prêtre veut détendre ses jambes, le nœud coulant se resserrera autour de son cou. Désormais, le prêtre ne pourra plus échapper à ses assassins. Le chauffeur de Jerzy, Popielusko, a donc réussi à fuir. Mais qu'est-il devenu ? Blessé, il a réussi à trouver un hôtel d'où il a donné l'alerte. Et voici, d'après Patrick Michel et Georges Mink, qui ont consacré un livre à l'assassinat du prêtre, comment les choses se sont passées. Les recherches furent immédiatement lancées pour retrouver le père Jerzy Popielusko. À cette fin, on envoya dans le secteur de l'enlèvement des voitures radio et un maître-chien. Informé, le procureur, accompagné d'agents de la milice, se rendit au service d'urgence, où l'ambulance avait laissé Krostovski, pour prendre directement contact avec le susnommé et déterminer les circonstances précises des faits. Après accord médical, une relation orale de Krostovski sur le délit fut enregistrée, puis, une fois l'enquête du procureur ouverte, Krostovski fut entendu en qualité de témoin. On lui ôta les menottes qui furent placées sous main de justice. Tout cela fut terminé vers 2h du matin, le 20 octobre 1984. Dans le même temps, au cours de leurs investigations aux alentours de Gorsk, les agents de la milice ont retrouvé placée sous main de justice la voiture Volkswagen Golf vide de tout passager. Le ratissage de la forêt à proximité de la route Gorsk-Prisk par 38 membres des OMO fut alors entrepris. Ces recherches ne permirent pas de retrouver le père Popielusko. Des recherches ultérieures et une inspection des lieux de l'enlèvement ont permis de retrouver un aigle brodé semblable à celui des casquettes d'agents de la milice, non loin de la Volkswagen Golf. Des empreintes digitales ont été relevées sur le volant et la vitre latérale de la Volkswagen. À l'endroit où Krostovski avait sauté, on a retrouvé sa chaussure ainsi qu'un lambeau de tissu éponge qui, comme il fut établi plus tard, avait servi au bâillon. Le livre de Michel et Mink, intitulé « Mort d'un prêtre », a été publié en 1985 chez Fayard. D'après ses auteurs, les ravisseurs avaient donc laissé beaucoup d'indices. Et dans le cas d'une enquête de police sérieuse, il paraît évident qu'ils ne pourraient pas échapper très longtemps à la justice. Après ce dernier départ, la fin de Popielusko était donc proche. Piotrowski choisit de se rendre sur un barrage réalisé sur la Vistule. Quand les ravisseurs ont ouvert le coffre, ils ont constaté que le prêtre s'était étranglé avec la corde qui était passée autour de son cou. Ils ont donc lesté le corps avec des pierres, puis ils l'ont jeté dans l'eau. Mission accomplie. J'ajoute qu'au retour vers Varsovie, ils ont été plusieurs fois contrôlés par des patrouilles de la milice. Oui, mais vous m'avez dit qu'ils avaient un laissez-passer. Oui, mais à chaque fois, ils ont été vus. Et c'est important pour la suite, parce qu'il leur sera difficile de nier. Est-ce qu'ils vont être arrêtés très vite? Oui, mais avant, il faut que je vous dise que l'enlèvement de Jerzy Popielusko a tout de suite provoqué un véritable choc dans l'opinion polonaise, dès le lendemain. Mais vous dites enlèvement, parce qu'on n'avait pas encore retrouvé le corps, c'est pas... Oui, on pouvait aussi espérer que Popielusko vivait encore. Et les autorités polonaises, comment ont-elles réagi? Officiellement, elles ont parlé de provocation. Provocation, là, je comprends pas. Si, si, le célèbre Jerzy Urban, le porte-parole du gouvernement, a accusé les extrémistes de solidarité d'être les auteurs de l'enlèvement, afin d'en attribuer la responsabilité au régime. Une attitude parfaitement stalinienne. Oui. Dans le même temps, le gouvernement du général Jaruzelski donne le feu vert aux enquêteurs. Il faut aboutir, et vite. C'était d'autant plus facile que les assassins avaient multiplié les bévues, non? Je vous vois sourire, là, pourquoi? C'était d'autant plus facile, oui, qu'on connaissait leur nom depuis le début. Vous voulez dire qu'on les a dénoncés? Pas la peine. Parce que l'homme qui leur avait indirectement confié la tâche de tuer Popielusko était aussi celui qui était chargé de les faire arrêter. Alors qui? Mais le ministre de l'Intérieur, voyons. Alors je vous assure que ça n'a pas traîné. 4 ou 5 jours après la disparition de Popielusko, les 3 policiers de la section des affaires religieuses, mais aussi leur supérieur hiérarchique direct, ont été mis sous les verrous. Et ils ont avoué? Très rapidement, oui. Mais pouvaient-ils faire autrement? Il y avait tellement de charges contre eux. À commencer par le témoignage de Krotowski, le chauffeur de Popielusko. Mais revenons à cette accusation-là que vous portez contre le ministre. Vous voulez pas plutôt qu'on en finisse avec la chronologie de l'affaire? Voilà, comme vous voudrez. L'annonce de l'arrestation des ravisseurs de Popielusko est très vite faite. Et on dit publiquement que ce sont des policiers. Tout à fait. Et pour un régime communiste, c'est assez inédit, vous en conviendrez. Oui, ça veut dire que le pouvoir assume ses responsabilités, en tout oui. cas. Oui. Et Jaruzelski montre le bout de l'oreille lorsqu'il déclare que cet enlèvement perpétré par des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur est un acte dirigé contre la politique de renouveau et qu'il promet de châtier sévèrement les coupables. Ouais, mais ça c'est de la langue de bois. Que veut-il dire en réalité? Mais et qui menace essentiellement la politique de renouveau qu'il entend mener? Ses opposants. Oui, mais surtout ses opposants internes. Les durs du parti qui ne veulent absolument pas entendre parler de concessions aux syndicalistes de solidarité ou à l'Église. Donc si je vous suis bien, en faisant cette déclaration, le général Jaruzelski montre du doigt ces communistes orthodoxes qui contestent la politique. Mais parfaitement. Et c'est ainsi que le comprennent tous les observateurs bien informés de la vie politique polonaise. Justement, j'ai retrouvé un article du Soir de Bruxelles paru peu après l'enlèvement de Jerzy Popielusko. Voici ce qu'écrit son auteur. Selon des observateurs sérieux et indépendants, la disparition du jeune abbé enlevé vendredi dernier et qui est l'un des 69 prêtres politiques dénoncés par les autorités polonaises serait une opération très complexe et très dangereuse, dirigée surtout contre le général Jaruzelski. Il s'agirait d'un forfait perpétré par un commando composé de représentants de l'appareil provincial du parti et de la police, mécontents de la politique jugée trop molle à l'égard de la population en général et de la résistance en particulier. Selon des observateurs, il s'agit d'une affaire dont les conséquences sont incalculables. Si, comme le craignent certains, le père Popielusko a été assassiné, l'explosion échapperait à tout contrôle avec toutes les suites qu'on imagine. Bref, c'est une provocation qui aurait pour but une explosion populaire et même une guerre civile. Hypothèse plausible dans la mesure où c'est uniquement dans des circonstances pareilles qu'un changement de direction actuelle au bénéfice de l'aile la plus dure du parti serait envisageable. Quand on désigne ainsi du doigt les communistes les plus conservateurs, on a aussi en ligne de mire une autre cible. Moscou. Oui. Bien évidemment. Et on soupçonne les soviétiques et donc le KGB d'avoir sinon perpétré du moins commandité l'enlèvement. Afin de faire pression sur le général Jaruzelski. Bien sûr. pour les durs du Kremlin, la Pologne fait courir un danger mortel à tout le bloc soviétique. Bah, objectivement, ils n'ont pas tout à fait tort. Hein. C'est vrai. C'est là, avant Berlin, que le rideau de fer a commencé à se fissurer. Mmh. D'autant qu'à Rome, il y avait un pape polonais bien décidé à en finir avec le communisme. Mmh. Donc il faut écraser dans l'œuf toute mesure de libéralisation en Pologne. Oui, et en faisant disparaître un ecclésiastique aussi populaire que Popielusko, on embarrasse Jaruzelski et on lui montre le droit fil de la ligne à suivre. Ce sera d'ailleurs la thèse des avocats de la partie civile lors du procès qui suivra. Ils accuseront à mot couvert l'URSS. Oh ben, ça semble assez vraisemblable. Hein. Et pourtant, c'est complètement faux. L'affaire Popielusko est beaucoup plus subtile que cela. Mais reprenons un instant la chronologie, si vous voulez bien. Deux jours après l'arrestation de Piotrowski et des trois autres, le ministre de l'Intérieur annonce à la télévision que le prêtre a vraisemblablement été assassiné. Aussitôt, Lech Walesa parle de saloperie et accuse le pouvoir. Logique, hein ? Tout à fait. Et quand le corps a-t-il été retrouvé ? Trois jours plus tard, grâce aux aveux faits par les inculpés, la dépouille est retrouvée. C'est un véritable choc pour tous ceux qui voulaient encore croire que Popielusko était vivant. Il y a des manifestations. Des rassemblements, oui. Des prières collectives. Mais pas de violence. Même quand on révélera que le prêtre a été sauvagement battu avant d'être jeté à l'eau. Toutefois, les funérailles au début novembre draineront une foule immense. Des centaines de milliers de fidèles. Et l'enquête ? Elle progresse avec une célérité tout à fait insolite. Un général, le patron de Piotrowski et des autres, est suspendu. Et le gouvernement est bien décidé à ce que les assassins soient jugés au plus tôt. Et c'est ce qui va se passer, puisque le procès s'ouvre en février. Février, c'est-à-dire 4 mois après les fêtes. Oui. C'était peut-être l'intérêt du pouvoir, hein, afin de faire oublier le plus rapidement possible cette affaire. Non. Jaruzelski voulait surtout montrer que la justice passerait et que, fussent-ils policiers, les assassins ne bénéficieraient d'aucune impunité. Mmh. Les accusés reconnaissent leur culpabilité. Oui, sauf un, le chef du capitaine Piotrowski. Mais beaucoup plus intéressantes sont les déclarations de ce dernier. Il dit, oui, j'ai tué Popielusko, mais c'était sur ordre. Coupable, mais pas responsable, enfin. Exact. Mais dénonce-t-il celui ou ceux qui lui ont donné l'ordre de tuer le prêtre? Il parle des autorités supérieures. On en revient donc à ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Il désigne le ministre de l'Intérieur. Le général Kizak. En fait, c'est un peu plus compliqué que cela. Piotrowski dit que le ministre ne pouvait ignorer ce projet d'assassinat. Mais c'est une façon de l'accuser, ça. C'est vrai, mais les juges ne chercheront pas à aller plus loin. Pourquoi ? Parce qu'ils approcheraient trop près de la vérité et que le pouvoir le leur a interdit. Ah, il est peut-être temps alors de m'expliquer pourquoi, justement. Je vous l'ai dit, on a tout de suite imputé la responsabilité de l'assassinat aux durs du régime, aux moscoutaires, comme on disait autrefois. C'est ce que voulait le pouvoir. Mais ce n'était pas la vérité. Le coup venait de l'autre côté. C'est-à-dire du côté de ceux qui, au contraire, étaient favorables à un assouplissement ? Exactement. Je ne comprends pas quel était leur objectif. Jaruzelski vivait une situation très difficile. Il savait très bien que l'opposition, un instant anesthésie après le coup de force de 1981, reprenait du poil de la bête. Mais d'un autre côté, sa politique était de plus en plus attaquée par les dirigeants communistes purs et durs. Il fallait donc faire quelque chose. Mais ça, je comprends, mais pourquoi faire assassiner Popielusko ? Pour procéder à une purge dans la police et se débarrasser à cette occasion des éléments les plus staliniens du régime. Et c'est effectivement le résultat qui va être obtenu. Le principal rival de Jaruzelski, Milevski, un farouche conservateur, va être éliminé des instances dirigeantes. Et la police va être épurée. Oui, mais quand même au prix d'un assassinat. Oh, la fin, peu importe les moyens. J'ajoute que la célérité avec laquelle le régime a réagi ne pouvait qu'être bien accueillie par les opinions publiques polonaises et étrangères. C'était tout bénéfice pour Jaruzelski. Alors vous affirmez qu'il est le véritable instigateur de l'assassinat ? Non, je n'ai pas dit ça, mais ses amis, parmi eux le ministre de l'Intérieur, ont très bien pu piloter cette affaire sans que Jaruzelski lui-même soit informé. Pour son bien, mais sans le compromettre. De sa cellule, le capitaine Piotrowski a entamé une correspondance avec un journaliste polonais, Tadeusz Fredo Boniecki. Ces lettres ont été publiées en 1990 et on y trouve des révélations très proches de la thèse de M. X. Leur publication a d'ailleurs fait scandale en Pologne et a provoqué la démission ou la mise à la retraite de nombreux officiers encore en place au ministère de l'Intérieur. D'autre part, c'est vrai, le régime du général Jaruzelski a tiré des bénéfices de cette affaire Popielusko. Ainsi, le département d'État américain a considéré que le gouvernement polonais avait à cette occasion fait un pas dans la bonne direction. Et dans la foulée, le président Reagan a levé son veto à la réadmission de la Pologne au Fonds monétaire international. Un dernier mot. Les protagonistes de cette affaire, les exécutants, comme le prétend M. X, ont été condamnés à de lourdes peines de prison. Et cela a permis aux correspondants du Monde d'écrire « Justice a été faite au terme d'un procès sans précédent dans aucun pays socialiste qui a vu comparaître pendant 6 semaines, sous les regards du public et même de la presse occidentale, des officiers de la police politique préalablement dégradés et exclus du parti. Le pouvoir, à sa manière, a tenu parole. » Le même correspondant, Jan Kroos, regrette toutefois, je le cite à nouveau, « L'immense scandale a donc éclaboussé, officiellement, 4 personnes, toutes condamnées. Pas une de plus. À samedi prochain. »